Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, ayant pour titre « Devenir le maître contrôleur de sa vie intérieure, celle des autres ». Non, ça, c'est pas gentil, c'est égoïque. Mais ça doit, si on devient maître contrôleur de sa vie intérieure, on doit commencer à influencer un peu sur celle des autres. On influence... Sans vouloir le faire, mais par... Voilà, par c'est juste ça qui est la nuance. Tu influences énormément celle des autres, mais tu n'es pas le maître contrôleur de la vie intérieure des autres. Tu deviens un élément comme une tempête de neige. Tu influences la vie intérieure des autres. Sans vouloir le faire. La tempête, ça ne peut pas être d'autre chose qu'une tempête. Pas sans vouloir le faire, simplement... Par accident. Par mécanique. Ça ne vaut pas la peine, par exemple, c'est d'ailleurs un des grands dangers, c'est de s'arrêter à se demander si je change quelque chose chez moi, est-ce que ça va nuire à autrui? Ben, déjà là, on vient de se faire récupérer par une force d'involution. Bon, oui, mais j'aimerais changer la condition que ça ne nuise pas. On se ment et on est faible, et puis notre ego va trouver des raisons comme celle-là pour nous obliger à rien faire. Alors, on va attendre des années, dans l'espoir que autrui va suffisamment changer pour que notre changement ne leur fasse pas trop mal. Puis, mais ça ne changera jamais rien. Si on aura toujours cette raison-là pour nous empêcher d'avancer. C'est un peu comme de dire, on va attendre que tout le monde change avant de changer. Mais comme tout le monde se dit la même chose. Parce que dans tous les contextes de couple ou contexte de travail, d'amis, on pense, on présume tout le temps qu'un changement va déranger. C'est ça. Mon changement va nuire au bureau, mon changement va nuire à ma famille, mon changement va nuire à mes enfants, à ma femme ou à mon mari, mon changement va nuire à mes amis, ils ne me reconnaîtront pas. Vous savez, vous ne changez pas assez vite pour qu'on ne vous reconnaisse pas du jour au lendemain. Et puis, je vais perdre mon emploi si je change. Si on change dans le chemin où on doit aller, on ne perdra jamais rien, puis en plus, on va juste uniquement gagner. C'est un peu comme quelqu'un qui perdrait un emploi à 5 $ de l'heure pour en gagner une à 10 $ de l'heure. Il faut pas qu'il regarde ce qu'il a perdu, parce que finalement, il a gagné, il a rien perdu. Alors, c'est exactement ce qui va arriver au niveau du changement. La personne qui devient maître contrôleur de sa vie intérieure, ça veut dire que le mental qui se développe suffisamment, contrôlé par de l'intelligence, par l'esprit, pour contrôler la mécanique intérieure qui est l'ego, bien, la personne qui parvient à faire ça, nécessairement, elle va laisser énormément de traces partout à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs la peur de ces traces-là qui va servir contre nous pour nous empêcher de changer, de bouger. J'ai peur que mon fils, ma fille, que ma femme, que ci, que ça. Premièrement, il y a des choses qui sont évidentes, c'est que les membres de la même famille ne naissent pas toujours tous sous le même toit. Hein, on pense que parce qu'on est né du même père et de la même mère que nécessairement c'est nos frères et nos sœurs. C'est socialement vrai, mais c'est pas énergétiquement nécessairement vrai. On peut être frère ou sœur de quelqu'un d'autre en esprit qui n'est pas né dans la même famille. Exactement. Ce qui fait que, par exemple, je perds mes amis. C'était peut-être pas des amis. C'est peut-être des amibes, tu sais, c'est des parasites, tu sais, c'est peut-être des phénomènes qui t'aidaient, qui te nuisaient, puis que tu devais parvenir à un moment donné à surmonter. Parce que des amis, ça ne juge pas. Des amis, on parle d'amis dans le sens que moi je parle d'amis, comme quand je parle d'amour. L'amour n'est pas conditionnel, l'amour n'est pas sélectif. Quand je parle d'amis, c'est la même chose. Un ami ne vous aime pas comme l'humain aime, il aime de façon inconditionnelle, il aime de façon énergétique, sentimentique. Alors, à un moment donné, c'est que les changements qu'on va faire à l'intérieur vont progressivement nous amener à découvrir notre vrai monde. Il y a des choses que l'humain ne sait pas qui peuvent être dites à un moment donné, mais encore là que... on peut les dire parce que la majorité des personnes ne pourront pas en comprendre. Les égos ne pourront pas comprendre ce que je veux dire. Donc, ça ne dérange pas trop de le dire. Il y a des choses qui se passent présentement, qui se trament dans les années 90 à l'an 2000-2023. Mais disons que il y aura deux vagues qui vont se suivre, échelonnées, disons, séparées de quelques années, et une troisième vague dépassée l'an 2000. Il y a présentement des êtres humains qui sont en train de se botter les fesses, mais c'est d'ailleurs dans les années qui viennent, ça commence en 90, c'est extrêmement pénible pour la majorité des personnes parce que les personnes se fuient eux-mêmes. Les personnes fuient leur changement intérieur, les personnes fuient le fait de devenir leur maître contrôleur, les personnes fuient leur esprit, donc leur conscience, les personnes savent des choses mais ne veulent pas y croire parce que l'ego aurait à changer, Parce qu'il y a plusieurs choses que vous savez déjà, mais pour exprimer ça, vous allez devoir arracher une peau. En réalité, vous allez devoir arracher un corps au complet. Et pour les individus, c'est souffrant. C'est parce que c'est l'ego de la personne qui a récupéré ce changement-là. C'est quand tu dis les personnes fuient ou ont tendance à fuir, c'est l'ego qui s'en va. C'est l'ego qui prend le corps au complet puis qui prend le peu de conscience qui finalement habite les corps physiques et qui fuit le contact avec l'esprit. L'humain, c'est toujours ce qu'il doit faire. J'en ai donné souvent des exemples. On parle simplement, qu'est-ce que c'est que manger bien? Alors moi, j'ai toujours dit qu'on ne devait jamais suivre une philosophie de l'alimentation. Parce que si vous lisez un livre de comment bien s'alimenter, vous allez manger comme celui qui l'a écrit doit s'alimenter. Pas comme nous, on doit s'alimenter. Alors, on a un instinct, on a une intuition particulière qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on a réellement besoin d'un cornet à crème glacée. Parce que dans la variété d'aliments que l'on peut trouver, ce qui nous manque, c'est là-dedans qu'on va l'avoir. C'est sûr que si on aurait accès à un autre aliment qui contient les mêmes choses, on aurait probablement le goût de tout ça. Mais il faut vraiment être certain de bien discerner l'intuition. Il faut que ce soit pas psychologique. Il faut que le corps physique en ait le goût. Alors, tu dis, par exemple, des carottes, c'est bon pour la santé, tu essaies d'en manger, puis tu évolues. Les carottes, c'est pas bon pour la santé. C'est peut-être un poison violent. Oui, mais dans tel livre, ils disent que ceux qui en ont besoin devraient manger. Voilà ce qu'ils disent. Mais ils disent pas que tout le monde devrait manger. Mais dans l'autre sens, l'ego peut récupérer ça facilement, puis dire, j'ai besoin d'une cornette. Oui, mais je m'adresse pas à ceux dont l'ego est contrôleur à ce point-là. Parce que de toute façon, même avec un régime, ils se font ramasser quand même. Que vous mangiez mal à cause de votre ego, ou que vous mangiez mal à cause du livre de philosophie alimentaire que vous lisez, mangez mal de toute façon. Mais moi, j'aime autant qu'on mange mal à cause de son ego, parce qu'au minimum, quand on va commencer à se négoiser, à évoluer, à se conscientiser, eh bien, on va faire fondre l'ego. On ne fera pas fondre le livre. Et si l'ego, lui, finit par se dire, écoute, le petit cave, tu ne sais pas ce qu'il faut manger. Docteur Machin a dit telle chose. Si tu n'as jamais lu un livre, quand tu vas dire, écoute, le petit cave, tu ne sais pas ce qu'il faut manger, bien, si je ne le sais pas, tu ne le sais pas plus, on peut au moins se parler. Fait qu'écoute, tu me disais de manger telle affaire, moi je pense qu'il faut manger telle affaire. L'ego va me dire, tu sais pas si c'est bon, moi je peux répondre, toi non plus tu sais pas si c'est bon. Mais si tu as lu ça d'un livre, l'ego peut dire, écoute, lui il a des diplômes. Lui il a sauvé un paquet de personnes. On parle pas de ceux qui sont mortes. Alors, ton ego a des ancrages, a des places d'autorité. Étouffé par une carotte. Ouais. Alors c'est la même chose pour tout le phénomène évolutif, c'est que l'être humain le sait. Les personnes savent si elles doivent, elles sont manipulées, l'humain est manipulé. Mais progressivement, à partir de 90, aller jusqu'à 95, la majorité des êtres conscientisables, que je dis souvent transportables, on va voir tout à l'heure pourquoi je dis souvent ce mot-là, les êtres conscientisables ont la capacité présentement, s'ils veulent, mettre l'énergie nécessaire, et là je dis bien s'ils veulent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain est totalement manipulé. Mais à partir de 90, la force supramentale est tellement présente qu'elle ralentit énormément l'imposition des mécaniques astrales, ce qui nous manipule. L'humain pense, vous pensez. Vous êtes charrié par la pensée, puisqu'on ne contrôle pas la pensée. Mais à un moment donné, on commence à parler dans sa tête, en plus de penser dans sa tête. La parole, ça nous appartient pas mal plus. Et à un moment donné, on va penser que c'est pas bon, puis en même temps, on va se dire que peut-être c'est correct. Là, on est mal pris. Là, on va se dire, tiens, je suis tout perdu, je le sais plus. Je suis pire qu'avant. T'es mieux qu'avant. Oui, parce qu'on peut se ramasser à 3-4 dans la même tête, là, à se dire... Oui, on se demande si ce qui nous a été dit, est-ce que c'est moi qui l'ai dit ou est-ce que c'est l'ego qui l'a dit, après ça... Ou l'ego d'un autre, ouais. Mais bon, c'est ça. Sauf qu'avant, on était perdu et on ne le savait pas. Maintenant qu'on le sait, on n'est pas pire. On sait qu'on n'est pas pire. Ça semble pire. Mais t'es pas pire. Ouais, c'est vrai. Alors, à un moment donné, ben, on finit par reconnaître notre parole de la pensée qui joue la parole. Et pour ça, il faut commencer à perdre le doute. Il faut plus douter. Et je dis souvent, tu l'as crié assez fort, quand j'étais pas ici, qu'il fallait perdre le doute. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous voulez parvenir, il faut se risquer de temps en temps. Mieux vaut risquer de se casser la gueule dans la vie que de passer la vie à la perte de la vie. Bon. À un moment donné, on va être confronté à une initiation suprême qui est la mortalité du corps physique. Si on veut des initiations avant, on ne sera peut-être pas confronté à vivre celle de la mort du corps physique. Mais on ne doit pas attendre, parce qu'à un moment donné, force d'attente, ça devient tendu, puis ça casse. Donc, quelle sorte d'initiation on peut vivre qui serait semblable à la, celle ben, la désinhibition, de la c'est l'initiation majeure qui va faire en sorte que l'être ancien va passer dans l'ère nouvelle. Et je ne parle pas psychologiquement. La mutation ne sera pas uniquement une mutation psychologique. C'est une mutation complète. Assez que le plus piètre des animaux humains va reconnaître l'élu. Et quand on dit, par exemple, que bon, il va avoir, les êtres humains vont être marqués, hein, c'est les 144 853 élus. Vous savez, une chose, c'est que l'être humain qui n'aura pas de marque est l'élu. Et bien que les prophètes vont parler de ceux qui auront une marque dans le front, ils vont rajouter que faites attention, c'est exactement l'inverse de ce que vous allez penser qui va arriver. Celui qui n'a pas d'égo, celui qui est pur, celui qui n'a pas de marque de la vie, celui qui n'a pas de marque de l'évolution, celui qui n'a plus de souffrance chez lui, celui qui est libéré, désinhibé en termes supramental, lui ou elle passe. Mais la personne qui vit de l'initiation lunaire, l'initiation méritoire, celle qui souffre encore, celle qui a souffert, celle qui a un mérite d'avoir souffert, ces personnes-là sont marquées. Mais ce n'est pas celles-là qui vont traverser, puis je ne dis pas ça faire peur aux individus, parce que peur, pas peur, ceux qui auront à traverser vont passer. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que les individus qui sont capables de supporter la parole de Daniel Kemp, la parole d'un autre conférencier, entre autres, et qui progressivement vont être capables de supporter leur propre parole dans leur tête, au minimum, sont des individus qui ont toutes les caractéristiques nécessaires pour passer. Est-ce que c'est pas celle-là la plus difficile à supporter, la nôtre? C'est parce la désinhibition. Quand ça vient de l'extérieur, on entend un conférencier qui dit quelque chose. Dans le même exemple, tantôt, tu parlais du docteur Intel qui dit de pas manger de manger des carottes. On le prend facilement quand ça vient de quelqu'un d'autre, mais si ça vient de l'intérieur, de notre intuition ou de notre intelligence, on doute, on juge notre capacité d'être intelligent. Exactement. Les individus, par exemple, souvent une personne vient d'une conférence, une de nos conférences, puis va dire « Ah, ben, gars, c'est exactement, je l'ai toujours dit. » Eh oui. J'ai toujours dit, ça ne t'aurait jamais rien servi, hein? Il fallait que tu viennes ici pour le savoir maintenant. Mais les personnes le savent. Quelqu'un qui va comprendre ce que je dis, c'est quelqu'un qui le sait déjà. Moi, je vais amener une énergie nouvelle pour l'aider à se rappeler qu'il le sait. Je vais amener des mots nouveaux pour permettre de structurer son savoir. J'apprends rien. Je suis un confirmateur. Pas un enseignant. Je vais confirmer les gens. Les individus savent, sauf que les individus fuient. Moi, le défaut que j'ai en tant qu'être humain, c'est que je n'ai pas eu suffisamment d'énergie astrale pour fuir mon savoir. Ça devient une qualité du point de vue de l'autre côté. Une qualité de l'homme nouveau, mais c'est un défaut de l'homme ancien. Je n'ai pas été capable d'être suffisamment astralisé pour me fuir. J'ai été suffisamment astralisé pour être capable de fuir, même pas, mais de camoufler plusieurs parcelles de mon savoir. Mais le fuir, non. C'est un problème. Comment tu aurais pu te fuir avec de l'énergie astrale? Ben, t'empêcher de parler? M'empêcher de parler, en plus, ne pas écouter, ce qui fait qu'à un moment donné, je crois que tout ce que je sais fait partie de l'illusion. Donc, je suis comme tout le monde, je suis normal, quoi. Mais vu que j'étais totalement anormal et que ça, les psychologues me l'ont répété souvent, on dit que ça se guérissait. Maintenant, ils ont fait le séminaire, ceux-là, et puis ils comprennent que ça se guérit pas. Bon. Et que c'est tant mieux. Mais j'aurais pu fuir de plusieurs façons comme ça. J'aurais pu aussi me droguer, j'aurais pu prendre de l'alcool, j'aurais pu... Fuir sur une île, c'était pas une fuite aussi? Fuir sur une île, c'était une fuite, mais moi, je fuyais pas sur une île, je m'en allais sur une île. Oui, là, tu peux dire ça maintenant, mais de façon cosmique, est-ce que c'était pas un piège pour... À l'époque, non, à 12 ans, c'était pas une fuite. Je voulais simplement retrouver... c'est sûr que si on regarde au niveau de l'absolu, puis il y avait une partie d'ego là-dedans qui voulait fuir, ça c'était évident. Mais c'était beaucoup plus pénible de s'en aller que de rester, donc la fuite, c'était pas trop une fuite. Et c'était surtout de retrouver retrouver mon point d'origine. Moi, je ne viens pas d'une planète Terre comme celle-ci. Donc, en allant sur une île déserte en Polynésie pour reconstruire une société en fonction de mes visions, ce n'était pas une fuite. Comme justement des journalistes me posaient la question en 78-79, pourquoi vous fuyez? Je suis en retard de 11 ans. C'est ça. Alors je vais te répondre, la même chose, je leur ai expliqué, c'est que non, moi j'aime la crème glacée. J'aime la crème glacée au chocolat et j'aime la crème glacée à la vanille. Mais par contre, j'aime plus le chocolat qu'à la vanille. Alors, si j'ai juste à la vanille, je mange à la vanille. Si vous m'offrez le choix entre la vanille ou le chocolat, bien, je prends le chocolat, mais je ne fuis pas à la vanille. Alors, si vous m'offrez que votre société, je la prends, je l'aime. Si j'ai le choix d'une autre meilleure, bien, je ne fuis pas celle-là, je prends l'autre meilleure. C'est pas une fuite. Donc, je n'ai pas fui. Moi, quand j'ai fui autrement. Et plus on est puissant, plus on est subtil. Plus on est subtil, plus les pièges sont de notre envergure sont subtils. Mais de toute façon, ce que l'être humain va faire et ce que moi je vis depuis des années, plusieurs personnes le vivent et vont le vivre de plus en plus dans les années qui vont venir, et ce que je vais vivre dans les mois qui viennent, les individus devront vivre ce genre de choses-là dans les années qui vont venir. Et c'est essentiel que quelqu'un le fasse en premier. Et je ne me suis pas missionné de le faire en premier, je n'ai pas le choix de le faire. Alors, je vais le faire. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai plus le choix, je le fais. C'est ça le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Mais ça m'arrange, parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Mais maintenant, mon ego n'a pas le choix de le faire, donc l'ego me va maintenant travailler à 85% dans la direction où je vais aller. Devenir le maître contrôleur de sa vie, c'est exactement ça. Ça veut dire être capable, à un moment donné, de supplanter l'ego pour marcher d'une façon inexorable vers l'endroit où on veut, dans notre conscience, aller. Mais là, on aura toutes les prémices de tout ce qu'il faut pour nous empêcher d'y aller. Parce qu'à un moment donné, moi, ça allait toujours parler clairement dans ma tête. Quand je me parlais, je savais. Depuis 2 semaines, 3 semaines, maintenant, quand je parle dans ma tête, c'est extrêmement clair, mais en même temps, viennent 2 ou 3 autres voix aussi claires qui viennent contredire la première. Et je dois faire quoi? Eh bien, je dois perfectionner encore mon discernement au niveau de l'intuition, d'une façon qui n'a probablement pas été faite souvent. Et là, au-delà même de ce que j'ai dit ou de ce que je me dis, je sais ce que j'aurais dû dire. Puis là, plus ça va, plus le discernement est difficile à faire, plus les voix se ressemblent ou sont subtiles, plus Mais ça finit pas, ça, cette subtilité-là. Ça finit quand tu finis par extirper totalement l'antihomme de toi, quand tu finis par éliminer tout ce que tu n'es pas. Et comment on élimine ce qu'on n'est pas? Voilà. Il y a présentement, dans l'échelle planétaire, j'explique quelque chose comme ça, ça va vous donner un petit peu une idée. Ceux qui ont lu le roman La Cité de Sept peuvent comprendre peut-être plus facilement, parce qu'à l'intérieur du roman, j'explique plein de choses ésotériques dans un roman, parce que ça passe bien, là, mais quelqu'un qui sait lire un peu le langage d'oiseau apprend beaucoup. Il y a simplement des mécaniques qui font en sorte que j'ai souvent parlé dans des séminaires, surtout, mais quelques fois en conférence régulière, des futurs possibles. Et j'ai devoir expliquer aussi comment on pouvait éliminer des futurs possibles dans lesquels on ne veut pas aller. J'ai expliqué des choses comme ça. À travers ces futurs possibles-là, il y a un futur possible qui s'appelait Adolf Hitler. Et Adolf Hitler, lui, avait vu un futur possible où il dominait le monde, où la race aryenne dominait, où on exterminait toutes les races de la planète pour obliger les individus à se réincarner dans des races d'élite, la race aryenne, qui alors était aussi une race bâtarde. Et à un moment donné, l'humanité a fait le choix anti-Adolf Hitler. Faisant ce choix-là, tout ce qui fait partie d'Adolf Hitler dans l'avenir disparaît. Ça n'a jamais existé, alors que ça aurait pu exister. De ce fait, Adolf Hitler doit se suicider. Tout doit disparaître. Il n'y a plus rien avant, plus de place. Présentement, l'humanité avance vers une autre fourche. Cette fourche-là, elle aurait dû être touchée en 85. Il y a des individus sur la planète Terre qui ont travaillé à mettre leurs énergies pour retarder le temps où l'humanité toucherait la fourche. Cette fourche, elle va obliger l'humanité à faire le choix de l'homme nouveau ou de l'homme ancien. On a réussi, ces individus-là, entre autres, et moi-même, on a réussi à retarder le contact de l'humanité et de cette fourche. Sauf que le Prioritio, entre autres, les francs-maçons et d'autres organismes à caractère ésotériquement ésotérique, eux ont comme mission, comme travail, d'accélérer la chute de l'homme, donc d'accélérer l'âge de fer de l'âge de fer, d'accélérer la venue du mal sur la planète Terre, dans le but d'extirper au maximum le mal pour faire en sorte que l'humain vive une initiation majeure, pour accélérer la venue du millénium, de l'apothéose. En réalité, ils veulent accélérer la chute de l'anti-homme, et non pas de l'homme. Ouais, non, eux veulent accélérer la chute de l'âme de l'homme, mais ça va donner. La conséquence, ça, de la chute de l'âme. Oui. Eux n'ont pas tout à fait la conscience de ce qu'ils font, parce que s'ils auraient la conscience, ils ne pourraient plus le faire. Donc, il faut qu'ils restent obscurcis. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que il y a par contre autre chose, c'est que dans les futurs possibles, moi je réincarne, la majorité de ce que je suis vient de l'avenir. Je ne réincarne pas beaucoup de passé, je n'ai réincarné beaucoup, je l'ai digéré. Donc moi je viens d'un monde qui n'existe pas, qui existe dans un futur possible, et la majorité des personnes qui se conscientisent habitent ce monde-là. Sauf que si l'humanité fait le choix de l'homme ancien, donc le choix, disons, de Saddam Hussein, le choix de l'Union soviétique qui peut s'allier à l'Irak, lancer une guerre sainte, un djihad islamique, aller vers un apocalypse tel que c'est prophétiquement annoncé, et ça se terminerait vers l'an 99 au niveau du summum des guerres, une guerre nucléaire globale, et par la suite, en l'an 2023, on recommence à se replacer. Si l'humanité fait ce choix-là, et si je suis dans ce choix-là, donc si je n'ai pas été capable de devenir mon maître contrôleur intérieur pour, moi, au minimum, bifurquer de l'humanité, là d'où je viens, ça n'existera jamais, donc je meurs là-bas et tout cela au complet disparaît, et puis je reste dans une évolution archangélique qui va faire en sorte que je vais retourner en rond avant de pouvoir me relancer. Tous ceux qui sont en processus d'évolution seraient dans le même bateau. Exact. Et ça ne veut pas dire tous ceux qui suivent Daniel Kemp, ça veut dire tous ceux qui seraient capables de comprendre Daniel Kemp. Okay, il y a une grosse nuance. C'est qu'une personne qui ne me connaît absolument pas, elle peut faire partie du même bateau. On dirait de la même soucoupe, quand on veut être à l'heure de pointe. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de me suivre. C'est une question, si la personne est capable de comprendre ce que je dis, c'est qu'elle est déjà bâtie pour se comprendre elle-même. Comprendre de l'intelligence et du neuf. Alors, présentement, il arrive ceci. Il arrive que de ce futur possible, et comme j'expliquais dans un similaire à un moment donné, je vais vous le résumer là parce que ce serait intéressant qu'on comprenne un petit peu, c'est que la majorité de notre histoire du passé n'a pas existé. Elle est entretenue par des futurs possibles. C'est-à-dire que dans l'avenir, il existe des vous existez dans l'avenir, dans des milliards et des milliards de mondes différents, et il y a dans certains de ces mondes-là des connivences, c'est-à-dire qu'un monde, par exemple, vous allez continuer à souffrir, on se nourrit de votre souffrance, mais ce monde-là va essayer de venir dans notre pensée, engendrer un passé qui devrait, si on veut marcher avec la tradition, nous amener à une extrapolation de notre vie. Donc on pourrait dire, oui, mais on s'est toujours battu, c'est normal qu'on se batte dans l'avenir. Ça, c'est un avenir de combat qui vient dans notre tête nous implanter une histoire de combat pour nous faire dire qu'on a toujours été comme ça. Oui, mais moi, tu sais, ma famille, on a toujours venu au monde pour un petit pain, tu sais, puis moi, j'ai toujours été comme ça. Puis ça, c'est un avenir possible qui descend chez nous créer une lignée du passé. J'ai déjà expliqué qu'on peut changer le passé. Ça nous oriente dans cette direction-là. Voilà. Alors, si vous avez l'idée que votre famille a toujours été malade, puis que vous avez toujours été malade, fait que vous attendez d'être encore malade, tout ça est un jeu d'un avenir possible de maladie où on vous a engendré, on vous a implanté chez vous un passé, de façon à ce que vous vous accoliez au passé, ça crée un vecteur, une droite, puis là, vous continuez à évoluer dans ce sens-là, et vous êtes fait à l'os. La tradition, c'est ce qu'elle fait. On a creusé en Alberta, on a creusé en Angleterre, on a creusé aux États-Unis dans l'État, près de la ville de Chicago. Longtemps, on n'a jamais rien trouvé de particulier. Subitement, on découvre des ossements de dinosaures. On en découvre. Est-ce qu'ils se sont mis à exister à l'instant où l'humain en a eu besoin? Tu sais, on se dit tout le temps, ah ben oui, non, ça n'a pas d'allure. Il y a beaucoup de chaînons manquants, hein? Ils sont disparus comment, les dinosaures? On a des théories. Mais ces théories-là, est-ce qu'elles ont été engendrées dans l'avenir pour nous permettre une compréhension, pour nous permettre de continuer vers un avenir? Il y a tellement de choses qui sont subitement trouvées. Les manuscrits de la mer morte. Ah ben, subitement. Machu Picchu. Ils ont survolé le Pérou en avion, puis la cité d'or des Incas n'a jamais été trouvée. Puis subitement, par hasard, toujours par hasard, ce genre de découverte-là, les manuscrits de la mer morte, un berger, il pleuvait, il se cache une grotte, il trouve. Machu Picchu, ben c'est ça, c'est l'explorateur qui cherchait plus ça. Par hasard, tombe sur Machu Picchu. Puis passer là-dessus en avion, même avec un satellite, vous allez voir, c'est bien visible, c'est pas caché. Puis ils l'ont cherché, puis c'est tout près de Cusco. Ils l'ont cherché longtemps, pas trouvé. Et subitement, ben, pas loin de là, ça se fait à pied. Hein, on peut y aller à pied, c'est pas une journée. On arrive à Machu Picchu. L'être humain, ce qu'il doit comprendre, donc, c'est que dans les futurs possibles, il y a des futurs possibles où la majorité d'entre vous, vous vivez. Mais probablement que vous ne vivrez pas longtemps là. Si nous ne faisons pas le choix de l'homme nouveau. Faire le choix de l'être nouveau, ça veut dire nous débarrasser totalement de notre aptitude à réfléchir comme un terrien. Ça veut dire se déconnecter totalement de la planète Terre. Ça veut dire reconnaître qu'on est ici en transition de passage. Ça veut simplement dire ne même plus avoir peur de l'apocalypse des autres. Ça veut dire totalement te déconnecter de la mécanique traditionnelle et prophétique du passé. Ça veut dire devenir toi-même, ce que l'humanité ne sera pas. Et les personnages qui vont avoir la capacité de devenir eux-mêmes, donc de procéder à différentes initiations sur lesquelles on viendra au cours des années qui vont venir, l'individu qui devient le maître contrôleur, on va en reparler en masse, l'individu qui va vivre une initiation de désinhibition, de transparence, etc. L'individu progressivement va finir par accepter la réincarnation totale de l'un de ses descendants dans un de ces mondes-là. Et à un moment donné, ces personnages-là, à cette époque-là, ont la capacité de venir chercher les individus ici. Ils doivent les retrouver à travers le temps, dans le phare. On n'ira pas chercher un ancêtre qui va venir se droguer. Ou un ancêtre qui va venir chialer. Ou un ancêtre qui va venir juger. Mais à un moment donné, on peut faire ceci, c'est qu'il y a le temps, et l'humanité, disons, court vers l'apocalypse. Et il y a possibilité, si de maintenant, 91, 92, on va dire 97, des individus partent dans le temps pour aller ailleurs, bien là, tu peux facilement, au niveau du temps, sans avoir de paradoxe temporel, avoir une séparation. Donc, cet avenir-là peut exister, même s'ils sont passés, il manque un chaînon manquant. D'habitude, il en manque plein dans notre humanité. Bref, l'individu qui devient le maître contrôleur de sa vie a de fortes possibilités, s'il travaille convenablement, d'une façon pure, il a de fortes possibilités de ne pas vivre l'apocalypse d'autrui. Ce qui veut dire que dans le futur, il existerait, je prends mon exemple, disons, 100 Charles différents, qui vivent dans 100 ans différents. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tous venir ici pour nous chercher. Il y en a des croches, il y en a qui ont de l'allure. C'est que si toi, physiquement, dans ta descendance, dans tes réincarnations, tu ne te rends pas jusqu'à leur futur possible, ils n'auront jamais la capacité d'être mémorisés. Donc, ils n'auront jamais existé. Parce qu'eux, ils ne sont pas physiques. Non. Alors, ils existent présentement, mais pas comme nous existons. Ils ont besoin de notre passage dans le temps pour exister. Alors, ils se battent pour que toi, physiquement, avec tes enfants et tes descendants, donc que l'humanité, se dirige vers eux. Alors, dans ce qui est noir, ils vont s'associer ensemble en se disant, écoute, quand ils seront rendus là, après ça, on se fera la guerre entre nous, on verra. Dans ce qui est blanc, ils ne se sont pas associés. Tout le monde s'en fout. N'importe lequel des Charles, dans le blanc, c'est correct. C'est pour ça que ceux qui parlent dans le blanc, ceux qui nous parlent lorsqu'on a des pensées, quand ça vient de l'intelligence, ça crie pas, parce que c'est pas un groupe, c'est un faisceau d'intelligence et non pas l'ensemble de l'astral noir. Et ça ne peut pas te manipuler, parce que l'intelligence sait que c'est pas copié au cul qu'on rend quelqu'un intelligent. Alors que l'astral, dans la peur, sait que c'est au pied au cul qu'on rend quelqu'un craintif, qu'on le rend nerveux, qu'on le rend espérant d'être sauvé, qu'on le rend paniqueux. Mais vers l'intelligence, vous n'aurez jamais rien de puissant. Ça ne vous rendra pas intelligent. Mais vers le côté astral, vous aurez toujours des trucs pour vous faire manger du chocolat. Parce que ça va vous obliger à bouger. Et une chose importante aussi, c'est que du côté blanc, les futurs possibles, il n'y en a pas une peste. Non. Dans la paix, on ne s'engueule pas pour savoir qui c'est qui va faire quoi. Il y a un feu, on a 20 solutions pour éteindre le feu. On l'a tué au hasard. Si on ne veut pas avoir raison, on veut éteindre le feu. Mais du côté du noir, on va avoir raison. Du côté du noir, tu en as un Christ de paquet de futurs possibles. Puis l'humain ne peut pas être en paix là-dedans, c'est toujours en train de se chicaler dans sa tête pour le ramasser lui vers la mais même si l'humanité fait le choix de Saddam Hussein dont tu parlais tantôt, et qui, elle, s'en va du côté noir ou du côté apocalyptique, nous, en tant qu'individus, c'était pas nous. Individuellement, on peut prendre. Nous, en tant qu'individus, ça fait pas mal de monde, ça. Individuellement, on peut faire un choix différent. Si si l'individu est capable de comprendre ce que c'est que devenir le maître contrôleur de sa vie, et on va dire par exemple que on n'en parle pas beaucoup là, mais c'est parce que je vais expliquer la raison là, pourquoi ça serait utile de devenir le maître contrôleur de sa vie. L'individu qui est capable de faire ça, c'est un individu qui nécessairement n'a plus rien à faire avec le règne évolutif de l'humain. Et ce n'est pas de la théorie, c'est réellement de la pratique. Quand tu parles de transportable ou de conscientisable, c'est qu'on aurait un futur possible intelligent qui serait capable de venir nous chercher. On deviendrait transportable comme passé pour lui. Ben exactement. C'est ça. Il y a différentes façons. Il y a des choses qui, si j'en parle, pourraient faire peur à certaines personnes parce que leur ego n'est pas encore capable de supporter ce que je dis. Bon, au niveau d'intelligence, les individus sont capables. Bon, c'est des choses que je vais plus dire en conférence spéciale, réservée aux séminaristes, uniquement parce que on passe deux jours à se préparer, il y a les gens en préparation pour comprendre certaines choses. Mais on peut parler, par exemple, ça peut effectivement être une mécanique, disons, une intervention matérielle, style véhicule spatial qui vient de chercher à un moment donné, mais une intervention extraterrestre, elle est énergétique au départ. Ça peut être les autres qui vont s'en aller. Ça peut être l'endroit où tu vas rester qui, à un moment donné, finit par être totalement découpé du contexte planétaire. Puis, à un moment donné, ben, quand tu vois un individu que tu n'as pas vu, là, fait 25 ans, 30 ans, 40 ans que tu n'as pas vu de nouveau, c'est parce qu'il s'est passé l'apocalypse. Maintenant qu'il est fini, ben, les contacts commencent à se faire entre ton monde et leur monde. C'est des façons de bouger. Il y en a d'autres. Les autres sont, demandent, disons, d'être communiqués, surtout des êtres humains qui... ont un peu plus de, disons, de vocabulaire ou de schéma pour pouvoir comprendre les choses. Sans ça, l'ego va avoir peur. Mais ce sont des mécaniques qui peuvent se faire. Et quand je parle de pratique, il y a des choses que je ne veux pas dire présentement parce que je n'ai pas fini de les digérer. Mais très, très, très, très pratique, ça. Les extraterrestres... comme moi, j'en parle, je sais que c'est qu'il existe, t'sais. Je viens d'un de ces mondes-là, mais à un moment donné, quand on en rencontre pour faire des choses, c'est correct, l'ego commence à se dire, ben là, écoute, on va arrêter d'y croire, là. Qu'est-ce qui nuit le plus dans l'évolution, qui nous empêche de devenir maître contrôleur de notre vie? C'est les inhibitions. On en a parlé souvent, on en parle un peu plus clairement. Devenir le maître contrôleur de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez accepter, vous devez accepter, c'est une question de vie ou de mort. Les individus doivent accepter, et quand je parle de mort, je ne parle pas de mort du corps physique, là. Je parle de mort du corps physique et je parle de mort de la conscience. C'est que les individus doivent accepter d'être manipulés, comprendre clairement qu'ils sont manipulés. Ils doivent accepter d'être manipulés et doivent donc cesser de vivre comme s'ils avaient un libre arbitre, parce qu'ils n'en ont pas. Ça veut dire qu'on doit cesser de mettre nos énergies là où ça ne sert à rien de les mettre. Il y en a qui passent leur vie à vouloir se changer, mais ils ne changeront pas. La vie va les changer, mais eux, ils ne réussiront pas. Il y en a qui passent leur vie à vouloir réussir X, Y, Z, ça ne marche pas. Il y en a qui passent leur vie à vouloir organiser leur corps physique, puis ils vont s'en aller où ils vont s'en aller. Bon, on doit cesser de mettre de l'énergie, là. Devenir le maître contrôleur de sa vie. On ne doit plus juger. Pas parce que si tu juges, tu vas être jugé. C'est que si tu juges, tu vas te juger. C'est ça le danger. Alors, celui qui juge sera jugé, oui. Mais si on raffine la parole du passé, celui qui juge se jugera. Alors, vous regardez quelqu'un, vous dites, as-tu vu que le mec était triqué? Deux jours après, vous devez sortir. Je peux pas y aller comme ça. C'est ça. Vous êtes pogné en maudit. Parce que votre capacité de juger autrui va se revirer contre vous-même. Y a-tu la grandeur de nez? À un moment donné, un mouton va vous pousser là. Vous êtes malheureux en tabarnouche. Là, c'est chirurgie plastique, c'est n'importe quoi. Voilà. Tu sais comment il est vieux? À un moment donné, là, vous n'oserez plus sortir. Mais si on arrêtait de juger la longueur du nez, puis la couleur des yeux, puis faire du placotage, parce que c'est... Prends 10 ans de ta vie, puis tu vas la concentrer en un an, tu vas évoluer autant. Tu vas sauver 9 ans. En énergie. Rien que le jugement. D'autres choses qu'il faut qu'on fasse. Mais juste assez de juger, c'est comme si vous vous connectiez à une source vive qui ne peut pas tarir. On est connecté à elle. On la digère tellement pas qu'on l'a tout le temps. Tu t'enlèves le jugement des autres, tu t'enlèves ton jugement, ton propre jugement. Oui. Tout à l'heure, on s'en vient, vous faites même juste vous en venir. Puis moi, vous conduisez une automobile, vous êtes dans le métro, vous êtes n'importe où. Vous êtes légèrement irrité par quelque chose, vous avez jugé. Mais cette irritation-là vous sert à quoi? Perte d'énergie. Vous regardez les gros, vous regardez les grosses, vous regardez votre poids. Continuellement. Vous regardez les bottes d'un autre, vous regardez vos bottes, vous regardez... Oh, la quantité d'énergie que l'humain perd, elle est phénoménale. Là, déjà, là réside la base d'une mutation. On a ce qu'il faut. Pour cesser de vieillir, cesser d'être malade, pour commencer à muter. Puis on dit, c'est simple, le jugement. Non, pourquoi? Parce que c'est pas... Juger autrui, c'est karmique. Parce qu'on se tue. Parce qu'on se juge. Alors, la première chose, devenir son seul maître, c'est déjà de refuser des mécaniques d'ego. Et quand je dis refuser, ça veut dire de refuser de faire sienne des mécaniques qui ne sont pas les nôtres. Moi, je m'en vais sur la rue, et puis à un moment donné, je vois quelqu'un qui se stationne tout croche, je lui dis, faut-il être épais pour stationner de maître. Là, immédiatement, si je suis mon seul maître, je parle, et vous êtes capable, vous le savez, l'épais, c'est l'ego qui vient juger. Là, je lui parle, et je m'en fous. Et à un moment donné, ça va être, faut-tu être épais, et puis là, le mental vient de couper sa net, puis c'est perdant d'énergie, mon ami. Je suis le maître qui contrôle ma vie. L'ego ne m'amènera plus là où je ne veux pas aller. C'est sûr que l'individu qui dirait, ah merde, j'ai encore jugé. C'est encore du jugement, ça. Et oui, se juge. C'est pourquoi on doit accepter d'être manipulé. Sans ça, on va continuer à jouer le jeu de celui qui ne veut plus être manipulé. Vous savez, M. Kem, je suis tout le temps manipulé. Qu'est-ce que je peux faire? Cesse de penser que c'est toi. Puis continue. Vous savez, quand il neige dehors, là, on est manipulé en maudit. Mais on n'empêchera pas de neiger. Si on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore pour qu'il neige? Mais on a des maudits problèmes. Il faut qu'on travaille en tabarnouche pour se régler, hein? Arrêtez ça, cette neige-là. Et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il neige? Il neige. Compris? Il neige. Tu n'as pas le libre-arbitre, tu ne contrôleras pas la neige. Cesse de penser que c'est à cause de toi. Et puis là, on vient de régler déjà le problème de la neige. Dans le bon sens aussi, s'il fait soleil, il ne faut pas que tu penses que c'est grâce à toi. Le Lego va dire, on n'a pas réglé le problème de la neige, il neige encore. On s'en fout de la neige. Dans notre vie, là, on s'en fout de la neige. Hein? Combien de fois vous avez chiolé parce qu'il pleuvait? Il va encore pleuvoir, il n'y a plus pareil, puis on s'en fout qu'il pleuve. On en met toute l'énergie là-dedans. On se fait charrier. Et qui fait froid, et qui fait chaud, et qui... Ah, ben, on en met toute l'énergie dans rien. Mais devenir son maître contrôleur, c'est ça. Quand je parle de la vie intérieure, vous ne contrôlerez pas le voisin qui vous déteste. C'est pas nécessaire. Mais cessez d'être contrôlé par sa haine. Ça vient nous gruger. On juge, c'est pas nous qui contrôlons notre vie intérieure. On est toujours en train d'être de mauvaise humeur, d'être mauvais, d'être malade, d'être mal pris. Puis quand je parle de petites niaiseries, combien de fois vous allez ajuster votre position assise pour ne pas paraître niaiseux devant quelqu'un? Tu sais? Bon, il y en a, bon... Ça va aller jamais. Ou non plus, d'ailleurs, bon. Mais voilà, vous êtes encore en train de perdre de l'énergie pour rien. Oui, mais il faut quand même quoi? On vit, là. On vit. On perd notre énergie. On n'est pas heureux avec nous-mêmes. On est malheureux. Oh non, non, moi, je suis heureux quand je sais que les gens, ils ne me jugeront pas. Torieux, t'es peut-être heureux quand les gens ne te jugent pas. T'étais malheureux la semaine de temps de préparer à être heureux là. Puis t'es pas plus heureux parce que si quelqu'un remarque même pas ou si quelqu'un remarque une affaire qu'il fallait pas, ou encore, moi, je suis pas chanceux, je me suis tout bien organisé, puis là, il veut que j'échappe du ketchup sur mon... Comment pas chanceux? Mais on n'a rien à foutre du ketchup sur son collet de chemise. Tu sais, c'est pas la vie, ça. On n'a rien à faire. Oui, mais c'est plus agréable quand? Oui, quand quoi? Parce qu'on est stressé quand on en a, fait qu'on est plus agréable quand on est moins stressé. Quand on est stressé d'avoir quelque chose de croche, bien, on est stressé toute notre vie, 24 heures sur 24, de peur de l'avoir croche. Là, parce que là, dans ce que tu dis, c'est des jugements au présent, mais on juge aussi le passé. On juge ce qu'on a fait quand on sort d'une rencontre ou d'une réunion. Parce qu'on pense qu'on a dû les barber. On juge le futur aussi. Puis seul le futur, on le juge en maudit. Oh, qu'on juge le futur. Je vous ai toujours volé. Et à un moment donné, je viens vous emprunter 5 $. Qu'est-ce que vous dites? Lui, il le connaît. Peut-être j'ai changé. Vous ne connaissez pas les événements de l'avenir et vous refusez les événements de l'avenir. On juge. Puis on perd encore de l'énergie. Puis si la personne s'empêche de faire le mouvement, d'aller le demander, c'est qu'elle-même juge que les autres jugent. Elle juge que l'autre va dire non. Mmh. On est tellement mal pris, puis on est tellement pogné dans ça. Bon, la désinhibition, c'est l'étape qui va suivre. Mais déjà là, ne pas juger, c'est une personne qui ferait une des choses qu'on dit de temps en temps, aurait même pas besoin du reste, tout le reste viendrait. Il y a 25 portes. Prenez-en une, les autres vont s'ouvrir. Et puis, on va commencer par en prendre une. Dernièrement, je disais au groupe des chefs, on avait une réunion. Dans le passé, on a dit, faites les premiers pas et le ciel vous aidera. Mais ça aussi, c'est ésotérique. En réalité, vous devez faire tous les pas. Pardon, le ciel va faire tous les pas. Puis nous, c'est les derniers pas qu'on devra faire. Alors, quand on dit, faites les premiers pas et le ciel vous aidera, pour encourager l'humain, mais c'est très ésotérique, mais c'est encore à l'inverse que ça va fonctionner. Vous savez, le ciel, est-ce qu'il vous a aidé jusqu'à date? Vous avez passé au cash en maudit. D'autres plus que d'autres, d'autres moins que d'autres, il y en a, c'est pas fini. Le ciel aide l'humain. Ils sont bombardés en Irak, puis ils n'ont rien à voir avec ça. En Israël, ou etc. Ça meurt dans les rues, c'est infirme, c'est handicapé, c'est le ciel nous aide. Et j'ai toujours dit, comptez pas sur le ciel. L'humain doit faire tous les pas, puis les derniers pas qu'il va devoir faire, là, c'est vrai que le peu de la main qui peut descendre à ramasser l'homme ne peut pas aller plus bas. Là, ça va le faire, l'homme ne pourra pas aller plus haut. Donc, il vient un moment donné où il va falloir que l'humain fasse des choses, devienne le maître, contrôleur de sa vie intérieure. Et à un moment donné, effectivement, quand tu es rendu là, que tu as tout fait ce qu'humainement tu pouvais faire, le reste se fait tout seul. Mais l'humain qui attend, là, ben, il va être bien long encore parce qu'il faut qu'il bouge. Vous savez, on est en majorité extrêmement laid. Et quand je dis laid, c'est pas une insulte. Puis moi, quand je me regarde, je trouve des parties qui sont laides, ça me débine pas. Mais non, c'est-à-dire, je regarde, c'est ça. Je suis content, je le sais. Mais je peux travailler là-dessus. On en parlait un peu tout à l'heure. Une des initiations fondamentales que vous vivrez pas tout de suite, c'est celle d'extirper sa laideur. Puis la laideur, elle est égale, elle est proportionnelle à la qualité et la quantité de peur que vous pouvez vivre. On a peur parce qu'on est laid. Alors, on prend quelqu'un, par exemple, et puis on le mène dans une forêt relativement yin, qui est noire un peu. Et puis, il y a des petits animaux qui se promènent, et puis c'est humide, et puis c'est bizarre. La personne, on l'amène là, comme ça, et puis on lui conte des histoires de peur à son allant. Vous savez, les fantômes, les arbres qui tournaient sur eux-mêmes, puis bon, qui craquaient, puis tu sais, bon, les chemins, bon. Et là, on gonfle un canot pneumatique, et puis on la met sur un lac, perdu, c'est pas de lune, rien, c'est couvert. Et puis, on lui dit, tu te couches dans le canot, là, puis on te pousse au milieu du lac, là, et puis tu passes la nuit, là, à regarder, voir ce qui se passe chez toi. On se reverra demain matin. Si tu es encore vivante, on se reverra. Si Dieu le veut. Oui, parce qu'elle peut manger le canot, c'est dedans, c'est une crise de panique. Encore, si c'est une femme, elle peut le percer que c'est un talon haut. Ouais. Hein? C'est bon. Ben, déjà, pour être rendu au lac dont tu parles, il n'y aurait pas de talon haut. Non, il n'y reste pas tout. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est sûr que dans une salle comme ça, ça va bien. Mais la personne sur son lac, là, elle va en voir des choses. Et qu'elle va s'en avoir, c'est génial. Mais tout ça, là, c'est ce qui est chez elle. Elle se fait niaiser par ce qui est chez elle. Parce que si elle est pure en dedans, là, elle va agréablement goûter à ce qui se passe là. Mais là, on est dans une situation où tout ce qui est là peut facilement sortir. Alors, la personne, elle va revenir en disant, « Oui, mais je me suis imaginé. » Non, c'est ça, c'est ce qui est en dedans là, qu'on vit. Devenir le maître contrôleur, c'est être capable de finir par être absous de toute cette mécanique. Parce qu'encore là, c'est du jugement aussi. Si on entend une branche craquer, on juge. De ce oui, que, toujours du côté nu, du côté noir. Craquer la branche, quel a été le bruit, quelle est son origine, puis on va juger ce qui va arriver, la conséquence de ça. Si c'est un loup va manger. C'est yin, c'est bon. Mais là, je parlais d'une chose que... Bon, hein? Mais ce qu'on doit faire, c'est que l'être humain... qui va faire une chose. Et là, ça ne vaut pas la peine de courir pas des initiations comme ça. Ça s'adresse uniquement à des personnes qui sont initiables. Parce que sans ça, c'est vachement dangereux. Bon. Mais on revient encore, juste le fait de ne pas juger. Devenir le maître contrôleur de sa vie, la première étape, c'est celle-là. Une chance, c'est grosse. Mais la quantité d'énergie, allô? La quantité d'énergie qu'on va sauver, c'est probablement 80% de l'énergie que l'on perd. Imaginez dans quel état vous êtes au niveau de la conscience. C'est bon. Rajouter 85% de plus d'efficacité, c'est génial. Juger. C'est quoi juger? C'est simple, juger. Quelqu'un vous crie des bêtises, vous vous choquez, vous avez jugé, vous. Je faisais un PMC+, à un moment donné, puis j'appelais ça le syndrome de l'électron. L'humain est comme ça. C'est quoi le syndrome de l'électron? C'est simplement que vous marchez dans la rue, il y a une branche d'arbre, puis le vent la pousse, là, puis ça vous accroche sur votre chapeau, puis ça le jette à terre. Vous ramassez votre chapeau, puis vous continuez. Vous marchez dans la rue, il y a un être humain qui est sur le bord d'un trottoir, puis qui vous regarde passer, puis qui vous donne une claque sur le chapeau, puis il tombe à terre. Ah ben vous êtes en maudit, vous êtes en colère, là c'est, oui, hein? C'est quoi la différence? Entre un être humain qui ne sait pas ce qu'il fait, puis un arbre qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous ramassez votre chapeau, vous le mettez, vous continuez. Ça, c'est la vie. Là, parce qu'on place de l'ego dans l'autre, parce qu'on décide qu'on devrait... on veut contrôler l'autre. Mais là, on est fait. Il y a de la neige qui tombe dans le chemin, vous faites un détour. Il y a un pare-chocs d'automobile qui avance un peu trop, vous faites un détour. Mais dans l'un des deux cas, vous chiolez en maudit après l'autre. Imaginez, on chiole pas après la neige, mais on chiole après les humains. Qui sont manipulés, qui ne méritent même pas de se faire chioler après. C'est parce qu'on juge qu'il est imbécile quand il fait ça. Oui. Et si on est encore en train de se faire ramasser totalement, on perd notre énergie, notre temps. Il y a une panne d'électricité. C'est quoi les premiers commentaires? Habituellement, c'est une perte d'énergie. Maudit Hydro-Québec. Mais c'est pas ça, la vie! C'est autre chose. Mais si on arrêtait tout de se plaindre comme ça. Il y en a évidemment qui m'ont dit si on arrête de se plaindre, ça va être plat. Il faudrait que. Évidemment. Il y a du monde qui perdrait leur poste parce qu'il y a des départements juste pour ça dans les magasins et les compagnies. Ben, c'est comme de dire si tout le monde serait en santé, il y aurait beaucoup de chômage. Oui, il n'y aurait plus de docteurs. Ça fait que restant malade, tu sais. C'est bien, toi, puis nous, à un moment donné. Quand on a mis les automobiles sur la route, là, les maréchals Ferrand ont eu des problèmes. Et je suis bien content, moi, qu'il y ait eu des problèmes. Quand on se promène en automobile. Quand on va avoir des moteurs qui ne pollueront plus, là, il y en a d'autres compagnies qui vont avoir des problèmes. Tant pis, on s'adapte, on se recycle, on n'a pas avancé. Mais ce qu'on a acquis comme expérience, c'est que si on réagit pas à un événement comme ça, on est mou, on est faible, on est peureux. Non, ça, c'est l'ego, c'est la strate. Je sais que c'est l'ego, mais oui. On est prêt avec ça, pareil. Imaginez, je regarde une personne ici, puis je dis, maudit niaiseux. Puis l'autre, ben, s'en va. Qu'est-ce qu'on pense socialement? Elle pourrait être niaiseuse, elle est épaisse. Non, elle est divine. On sait depuis la tradition que le fou côtoie le sage. Merci. Non, vous n'avez pas compris, le fou côtoie le sage. Non, vous aviez bien compris. On va dire les fous côtoient les sages. OK. Oh. Mais, c'est ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on va insulter quelqu'un, ça ne le dérange pas, ou il n'a rien saisi, ou il n'a rien saisi. Il a tout saisi. Il n'y a pas besoin de saisir ce que tu lui dis. C'est tellement vital pour celui ou celle qui se conscientise. Moi, je suis pro-évolution douce, plaisante, agréable. Mais pour ça, il vous faut quoi? Il nous faut quoi? Des claques en plein visage, des coups de pied, des grosses initiations à finir, écrasant tout un bulldozer en espérant que ça va sortir vivant, traverser un mille de chardon ardent, voir si ça fonctionne ou pas. C'était même pas loin, ça, de ne pas avoir les pieds brûlés pour avoir traversé des chardons ardents. Moi, je fais la même chose en courant sous le gazon à côté, tu sais. Sauf du temps. Pas d'ampoule. Mais non! Mais tant qu'on réalise pas qu'on n'a pas de libre-arbitre, on peut difficilement cesser de juger. C'est-à-dire que les deux viennent ensemble. Si tu comprends qu'il n'y a pas de libre-arbitre, tu ne juges plus, tu ne peux plus juger. S'il n'y a pas de libre-arbitre pour l'un, il n'y en a pas pour l'autre. Non. Puis tant que l'individu reste convaincu qu'il a un libre-arbitre, qu'il n'a pas compris l'idée, d'ailleurs, c'est l'un des premiers éclatements que l'humain doit faire. C'est d'ailleurs l'une des choses qu'on attaque le plus au niveau du séminaire. Au départ, hein, on commence avec éliminer le libre-arbitre. Là. Tous ceux qui veulent me prouver qu'il y en a, ils essayent. Puis après ça, ben là, ils rient. Non, pas. Non, jamais eu non plus. Bon. J'étais avec un animateur de radio, à un moment donné, j'ai fait des années des émissions avec lui, puis à un moment donné, il lui expliquait à tout le monde qu'on avait du libre-arbitre, puis qu'il fallait qu'on se prenne en main, puis etc. Alors, il m'invitait une fois par semaine, puis là, quand on vit, une personne qui appelle, puis elle dit, « Bon, bien, monsieur un tel animateur a dit qu'on avait un libre-arbitre, mais vous, dans votre livre de différence, vous dites qu'il n'y en a pas. » Fait que là, moi, je dis, « Écoutez, c'est son émission. » Fait qu'il me pose la question. Oui, mais là, bon, il est bien, bien correct, bien correct. Ajuster son public pour garder son poste, mais en arrière de ça, là, c'est pas n'importe qui. De toute façon, juste pour qu'il m'invite, il fallait que ce soit pas n'importe qui. Alors, à un moment donné... Là, tu le juges, là. Non, non, correct, je constate. C'est vraiment, il est correct. Et puis, l'individu en question, après l'émission, j'explique des choses aux gens, tu sais. Puis là, l'entracte, après l'émission, on descend ensemble, puis il me dit, « Qu'est-ce que tu as en affaire de les barbites, là? » Je me suis posé la question tout à l'heure quand j'étais aux toilettes. Très bonne place, tu sais, pour aller méditer. Il dit, je me suis posé la question, si je vais recommencer toute ma vie, est-ce que je fais exactement la même chose? Et la réponse est non. Ça prouve que je me suis fait charrier. C'est vrai, on n'a pas dit le barbite. Là, je peux pas dire ça en ondes, là, mais c'est vrai. Mais c'est ça, l'humain doit le comprendre. L'humain, là, il est manipulé. Pour un égo, il n'y a rien de plus frustrant que si je lui dis, par exemple, qu'il est venu ici ce soir parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Puis l'humain va dire, ben voyons donc, écoute bien, j'avais dit, non, non, non, l'humain n'a pas le choix. La personne frustrée, là, ben si elle n'a pas à sortir de la salle, ben elle ne pourra pas se lever, ben elle ne sortira pas. Là, elle va dire, ah oui, mais c'est parce que je ne voulais pas déranger le monde. Mettez-en des raisons. On en a toujours plein de belles raisons astrales pour nous convaincre que c'était correct. N'a pas de libre arbitre. Alors, l'humain qui comprend ça, déjà là, il peut y perdre la culpabilité. Pas de votre faute. C'est simple. Si vous le saviez, si vous l'auriez su, vous ne l'auriez pas fait. Fait que c'est réglé, c'est pas de notre faute. Il n'y a rien à faire, c'est pas de notre faute. Les billets de loterie qu'on achète pour on perd, là, si on savait qu'on était pour perdre, on ne les achèterait pas. T'sais, on n'a pas de libre arbitre. Il n'y a rien à faire. Ah ouais, si tu manges ça, on sait, OK, on le sait. Bon, fait que des fois, on ne se culpabilise plus, pas de notre faute. L'autre chose qui va arriver, c'est que maintenant, c'est pas de ta faute, pas de la faute aux autres non plus. Alors, toute l'énergie qu'on met là, à chioler les uns après les autres, là, faudrait qu'on la récupère. Puis l'implant, les barbites de culpabilité étaient placés chez l'humain pour qu'il avance pas. Puis quand la conscience commence à descendre chez nous, bien là, maintenant, ces implants-là, faut qu'on les élimine. Mais c'est ça, entre faire la nuance, c'est-à-dire entre philosopher et dire « je comprends qu'on n'a pas de libre-arbitre », dans la même phrase, il y a bien du monde que je connais qui vont dire « on n'a pas de libre-arbitre », mais tu vis l'autre s'il était pète de ne pas contrôler sa vie. Exactement. On juge l'autre. C'est ça. L'autre, il n'aurait, lui, du libre-arbitre. Moi, là, je sais qu'on n'a pas de libre-arbitre personne, tu sais, mais tu vis l'épée, comment, il s'en rend même pas compte. Mais écoute, s'il n'y a pas de libre-arbitre, c'est pas une épée. Bon, ça fait partie des subtilités. On ne se rend pas compte que dans la même phrase, on dit l'opposé. Puis juste là, c'est vrai. Ça, c'est quand on commence à être suffisamment subtil qu'on s'en rend compte. Mais c'est même pas important qu'on le fasse au départ. Au départ, ce que l'humain doit faire pour être le maître contrôleur de sa vie, c'est pas une grosse recette, tu sais, que tu te concentres chez toi puis tu reviens. C'est sûr que si vous prendriez un petit 15 minutes quand vous prenez votre douche le soir, là, ou le matin, ou n'importe quand, pour juste repasser dans la journée, bon, quand est-ce que je me suis fait avoir? Là, on repasse bien vite, bien vite, bien vite, bien vite, des morceaux de la journée. Ça aiguise notre conscience. C'est pas nécessaire de tout faire la journée, ça peut être long et plate. Mais on repasse des petits morceaux. Et où je me suis fait accrocher le plus? Bon, à telle place, là, il y a tel bonhomme, telle bonne femme, j'ai chiolé. Moi, mais j'avais raison de chioler. Non, vous perdez votre vie à chioler. C'est tellement facile. Il y a quelqu'un qui s'en vient, là, puis il vous coupe, puis il s'en va. Là, vous gueulez, puis vous gueulez. Lui, là, il vous a jamais vu. Il sait même pas que vous avez existé, tu sais. Il s'en va, bien heureux, il n'a rien vu, lui. Fait qu'imaginez, qu'est-ce que vous faites? Mais il donne une leçon. Puis après, quand il s'en va chez lui, là, il rentre, puis il dit, « Je vais donner une leçon à un cave sur la route. » Et puis vous dites la même affaire, puis il dit, « On n'en a rien à faire, là, ça. On perd notre vie. » On perd notre vie à s'occuper d'autrui. Ou détruit, tu sais. Pourquoi on se détruit? À s'occuper d'autrui. Si on enlève la relation de jugement, on peut s'imaginer égoïquement que la vie serait pas bien. On n'aurait pas grand-chose à discuter. Si on ne parlait pas des autres, si on parlait on va pas... de quoi discuter? On serait obligé de parler de nous autres, non, de vivre. On va avoir de quoi discuter, mais dans l'intelligence. Par exemple. C'est-tu débile, hein, l'autre là-bas qui a fait ceci, ou Saddam Hussein, faut-tu être cave, il est manipulé, puis génialement. Bon, pas un cave, le bonhomme. Arriver à planter tous les autres États, aller acheter des armes à tous ceux qu'il va combattre après, faut pas être un cave. En tout cas, si un cave, sa planète, il est pas en guerre. Il est pas tout seul. Non. Non, l'humain manipulé génialement. Alors, à un moment donné, c'est évident que si je peux plus dire stupide, imbécile, tarlat, épais, épaisse, si je peux plus dire ce genre de choses-là, qu'est-ce que je vais dire des autres? C'est ça. Tu vas dire, il n'y a plus grand-chose à dire des autres. Il pourrait réduire les bulletins de nouvelles pas mal, puis il pourrait amincir les journaux. Puis l'humain va dire ça va être plate, c'est ça. L'humain, là, il a tellement peur que quand il va être heureux, là, que ça va être plate, là, qu'il continue à être malheureux pour se donner du bonheur dans son malheur. C'est parce qu'il ne connaît pas l'idée, il en a peur. C'était des mécaniques de stagnation au niveau de l'ego. Si on n'a plus de problème, là, on n'aura pas le problème de ne pas avoir de problème. On n'aura plus de problème. Donc, on n'aura plus de problème. Tu sais, on ne s'ennuiera pas, c'est un problème, ça. On n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème, on n'aura plus de problème. On n'a pas besoin de s'en faire, on n'aura plus de problème. C'est pareil, si je suis parfait, là, ça va être plate. Mais non, c'est parfait, ça ne sera pas plate. Tu sais, être plate, c'est quelque chose de problème. Donc, c'est pas ça. Et on va s'ennuyer. Non, c'est un problème, tu n'auras plus de problème. On va faire quoi? On s'en fout, tu n'auras pas de problème. Tu sais, c'est comme de dire, quand tu n'auras plus faim, tu ne mangeras plus. Je vais manger quoi? Tu ne mangeras plus. Mais si j'ai faim, tu ne mangeras plus, tu n'auras plus faim. T'sais, c'est réglé. Même pas un peu de gâteau? Non. Oui, mais si j'ai le goût de la manger, tu n'auras pas le goût, il n'y aura pas de problème. Tu regardes un gâteau, ça va ressembler à ça, tu sais, là. Pas des gâteaux au chocolat, ça va ressembler à ça. Tu n'auras pas de problème. On peut pas s'imaginer ça. Non, les drogués, c'est la même chose. Si je me drogue plus puis je suis sevré, là, quand on va avoir le goût de me droguer, on va faire quoi? T'auras pas le goût de te droguer. Il connaît pas ça dans son expérience égoïque. C'est la même chose pour l'évolution. Si on ne juge plus, on fait quoi? Puis regardez la quantité de jugement que vous faites. Quelqu'un qui stationne mal, il va le juger, là. Parlez pour ceux qui sortaient, là. La quantité de fois que l'humain va juger, il va se dire, j'aurais plus rien à dire. Ben, c'est ça. As-tu vu les quartiers ici, Max? As-tu vu l'autre, la rue là-bas? As-tu vu ici? As-tu vu ça? Mais t'as même pas besoin de dire à quelqu'un, ah là, mes pneus sont finis, il faudrait bien que je les change. Tu sais, change-les ou change-les pas, mais ferme ta boîte. C'est pas ça, la vie. Oui, mais on ne peut rien se dire. Vous allez vous initier lentement à communiquer énergétiquement, à apprécier les événements, à trouver beau de la pluie qui tombe sur un balcon. Ouais, c'est même pas niaiseux, là. À regarder nos pneus et à les aimer en échangeant. Oui. Tout devient simple, facile, doux, joli. C'est nutritif énergétiquement. Cessez de juger. C'est niaiseux, c'est ça. Parce que celui qui juge, se juge. Puis, m'a dit franchement, si on est dangereux quand on juge, hein, on n'est pas fort. Prenez. On est probablement plus sévère d'ailleurs pour notre propre jugement que pour le jugement des autres. C'est-à-dire qu'on est aussi sévère, mais ça nous détruit en maudit. Bien plus qu'on détruit le voisin en le jugeant. On peut pardonner plus vite, il me semble, à quelqu'un d'autre qui a fait une gaffe que nous. Lui-même n'est pas tellement bon pour pardonner. Pardonne pas vraiment. Non, je dis souvent que celui qui pardonne, c'est bon, mais celui qui oublie qu'il a pardonné, lui a réussi, tu sais. Mais lui-même, on pardonne, on s'en rappelle, on le radote. Oh, ouais, c'est la fois que je t'ai rien dit, là, quand tu m'as. C'est ça. Tu sais, je t'ai pardonné, mais recommence plus. Ben là, si je m'as pardonné, je peux recommencer. J'ai rien dit cette fois-là, mais. Non, lui-même n'est pas un spécialiste du pardon. C'est un spécialiste de la copie du pardon, mais pas un spécialiste du pardon. Parce que j'ai pardonné, tu sais, mais je trouve pas de lui, tu sais. Pardonner. Non. Pardonner, ça veut simplement dire passer au-dessus de ce que tu lui donnes, tu sais. C'est pardonner. C'est aller par-dessus ce que tu vas donner à quelqu'un. Donc, tu vas lui remettre la totalité de l'événement, ce qui fait que tu peux même pas t'en rappeler. C'est pardonner. Mais quand l'humain pardonne comme ça, il pardonne pas l'humain, il perdonne, tu sais. Ce qu'il faut faire, simplement, c'est qu'on regarde... Vous êtes venu ici tout à l'heure, hein? Ça, c'est au moins une chose certaine. Et puis, vous avez passé une journée. Puis, vous avez probablement perdu une quantité astronomique d'énergie au cours de votre journée. Devenir le maître contrôleur, ça veut dire commencer à être une centrale d'énergie. Conserver son énergie, à un moment donné. Je répète encore une fois, devenir le maître contrôleur de sa vie, c'est pas... que ça chiole plus chez nous. C'est qu'on ne s'associe plus au chiolage chez nous. Ah, progressivement, ça ne chiolera plus. Parce que vous allez en égoïser la partie qui chiale. Et ça veut dire être heureux, nous. indépendamment de l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, je parle de l'intérieur de l'humain. Ça veut dire que si vous, en tant qu'être humain intelligent, vous êtes heureux, vous allez être heureux indépendamment de l'extérieur de ce que vous êtes, donc de la psychologie. Hein, ça chiale parce qu'il pleut. Puis toi là-dedans, là, oh, pauvre petit. Bon. Toi, tu restes toi. T'avances toi, indépendamment de l'âme. Donc, indépendamment de ton âme, de mon âme, de l'extérieur, d'une tuile qui vient de lâcher dans la chambre de bain. Hein, de la chambre de bain qui est occupée. Hey, savez-vous, pensez à votre vie. La quantité de temps de vie et d'énergie perdue uniquement pour rien, bien, c'est ça qu'il faut éliminer. L'individu qui... Pas qu'il va éliminer ça à soi, là. Tu sais, je vous laisse en 6 mois, 1 an, là. Bon, mais... Ben, ça prend du temps. C'est pas ça qui est le problème. Ça prend du temps pour que le résultat soit bien exprimé. Mais pour qu'on devienne le maître contrôleur, c'est pas long. On reste encore entouré de crottes, mais c'est pas long. Qu'on se reconnaît puis qu'on est correct là-dedans. Bon, alors progressivement, si l'humain fait ça, nécessairement, il s'en va, il est correct. Il est gros dur. Ça amène... On pourrait dire énergie dure, hein? C'est gros dur, c'est... Ça amène l'inhibition par la suite, après avoir arrêté le jugement. Ça va amener la désinhibition progressive, la négoïsation, la création du double éthérique, la fusion de la conscience supramentale de l'humain, l'immortalité de sa conscience, la bifurcation. Et l'éternisation de sa conscience à un moment donné. On va loin, là, mais c'est ça que ça amène. Et nécessairement, ben, c'est très agréable, en même temps. C'est pas mauvais, c'est... Mais le mot agréable, justement, c'est aussi un jugement. Si on juge... Non, c'est pas un jugement, c'est un mot qui... Si on l'utilise dans nos... Ce que je veux dire, c'est que si on l'utilise pour dire ben, « j'ai passé une soirée agréable » ou « j'ai passé une belle soirée... » C'est pas toujours de l'énergie que tu vas donner dedans. Parce que si c'est simplement pour communiquer énergétiquement quelque chose avec quelqu'un, une énergie ou pâtie, le mot ne dérangera pas. Si j'ai passé une soirée agréable, tu sais, comparativement avant hier... Là, c'est plus ça, là, effectivement, en fait. Okay. C'est comme de dire, maudit qu'on est bien. C'est pas un jugement. Tu parles. Tu transmets de l'énergie en mots pour la digérer autrement, pour la ramasser au niveau de ton corps astral. Mais si je dis maudit qu'on est mal, c'est quoi la différence? Parce que normalement, quand tu vas te plaindre que t'es mal, c'est jamais en fonction d'un contact intelligent. C'est toujours en fonction d'une plainte. Quelqu'un qui se plaint, maudit qu'on est bien, il peut se plaindre qu'il est bien. Parce que ça continue en dedans, tu sais, je ne reverrai jamais ça, autant en profiter, autant, bon, il meurt là-dedans, lui-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si je dis à quelqu'un, t'es beau, t'es belle, c'est une sympathie de communication. C'est pas un jugement. Quelqu'un va dire, je suis plus beau qu'un autre. Alors là, il vient carrément de me briser. Là. Je vais dire, non, écoute, t'as pas compris, c'est pas ça. Parce que je prends des mots humains, mais je leur donne un autre saveur. Il n'y a pas de problème, là. Mais si tu dis, par exemple, et que c'est stupide, le mot est déjà péjoratif. Égrégorement, il est péjoratif. Alors, tu vas dire à quelqu'un, par exemple, « Bon, viens-tu avec moi? » Tu dis « Oui, déjà là, c'est juste un jugement. » Mais c'est pas un jugement si ça devient simplement une correspondance énergétique. Parce que si je vais avec toi, je ne vais pas avec l'autre. C'est comme si je jugeais. C'est pas un jugement. Mais ça peut être d'une façon jugement. Ça peut ne pas en être un. Mais si on regarde, par exemple, la majorité des paroles ou des stress qu'on va vivre quotidiennement, là-dedans, tu as effectivement un jugement. Puis le jugement, c'est un auto-jugement, ce qui n'est pas bon. Parce que les jugements sont toujours descendants. C'est négatif. On se nuit avec ça. On perd notre temps et notre énergie. Tu arrives, tu vas faire ton épicerie, puis tu arrives, puis là, il y a 3-4 personnes à la caisse. Puis tu as 6 objets. Fait que tu t'en vas à la caisse rapide, 12 objets et moins. Là, tu commences à compter ce qu'il y a dans le panier de l'eau en avant. Tu ne diras pas qu'il y en a 14 et qu'il y en a 15 qui devraient s'en aller ailleurs. Mais tu comptes quand même pour savoir si tu as le droit de l'haïr ou pas, parce qu'il allonge la file. Tu perds ta vie. On n'en a rien à foutre. Perds ta vie. Perds ton temps. Alors, on va se dire, si jamais personne qui dit, il va toujours être là. Non, t'es où, c'est une belle raison. C'est ça, on juge de qu'est-ce qu'on devrait dire à l'autre. Tu juges les événements aussi. Il y en a un autre moment donné qui va se faire ramasser, qui va les dire. Puis ça, tu regardes pas. Puis en plus, il y a 2 objets de plus. Faut-tu qu'ils se ramassent dans la pile, dans le filet ou ce qu'ils n'ont sur les 15? Tu sais, c'est toutes des petites choses à un moment donné. Est-ce que c'est être fataliste ou être. Ben, c'est pas être fataliste. Non? Non, c'est d'être fatalement réaliste. C'est fatal. C'est pas passé celle-là. Non, mais c'est pas la même chose. C'est vrai. Parce que c'est extrêmement important, je vous le dis, c'est l'énergie qui est perdue, c'est une énergie dans qui on en a besoin. Surtout que plus ça va, plus la planète est polluée, moins il y a d'énergie vitale présente. L'énergie minérale qu'on crée, on doit cesser de la garocher à tout finir. Fait que là, à la pause, on va parler de quoi? On va pas parler contre les autres, mais je m'en on va pas parler contre pas la température, on va pas parler contre la guerre. Mais qu'on parle pas, qu'on marche, qu'on regarde les murs, des beaux tableaux ici, qu'on allait faire un tour dehors pour ramasser un peu. Allez prendre une marche, on reviendrait dans 15 minutes, on continue. C'est ça, on fait une pause et puis on revient. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. Et Charles va les lire.